copier, mais pas coller. Copier mais pas coller, vous connaissez le concept, on prend une chanson et on vous propose l'une de ses réinterprétations. Aujourd'hui, on s'intéresse à la main droite rouge de Nick Cave. Red Right Hand, littéralement « main droite rouge », est une chanson du groupe de rock australien Nick Cave and the Bad Seeds. Elle fait partie de leur 8e album, Let Love In, sorti en 1994. Le titre est issu du poème épique « Le paradis perdu » de John Milton, dans lequel il fait référence à la main vengeresse de Dieu. Le chanteur, compositeur et auteur Nick Cave, leader du groupe, s'est d'abord fait connaître à la fin des années 70 au début des années 80 grâce à son groupe The Birthday Party, un groupe au rock agressif et très influencé par le gothique. Nick Cave devient rapidement célèbre pour l'énergie déployée dans ses concerts. Volontiers provocateur, il hurle et torture sa voix tout en bondissant sans relâche aux quatre coins de la scène dans un déluge de rock post-punk avec des effets de Larsen assumés et volontaires. Malgré de nombreux enregistrements et un culte grandissant autour du groupe, The Birthday Party se sépare en 1984. Nick Cave et ses acolytes ont en effet de plus en plus de mal à travailler ensemble et leur abus de drogue et d'alcool n'arrange rien. C'est la même année que Nick Cave forme alors la première version de Nick Cave and the Bad Seeds, dont le nom exprime clairement le changement notable du statut du chanteur qui est désormais le vrai meneur du groupe. Les paroles des chansons explorent alors de nouveaux thèmes, Nick Cave délaissant quelque peu l'expressionnisme pour écrire des histoires pétries de lyrisme. Durant toutes les années 80, 90 et 2000, Nick Cave va enchaîner les albums, les collaborations avec le cinéma et la télévision et les succès. Et parmi ces succès figure évidemment Red Right Hand. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand. Oh, You'll see him in your nightmares, you'll see him in your dreams. He'll appear out of nowhere, but he ain't what he seems. You'll see him in your head on a TV screen. Hey buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. C'était la version originale de Red Right Hand interprétée par Nick Cave and the Bad Seeds. Comme je l'ai dit précédemment, cette chanson est issue du poème épique Le Paradis Perdu de John Milton. Mais musicalement, le groupe se serait vaguement inspiré de la chanson produite en 1987 par Tom Waits, Way Down in the Hole. C'est en tout cas ce qu'affirme le chercheur Kim Bessel. Il est vrai qu'à l'écoute de l'introduction de cette chanson, on peut reconnaître une parenté rythmique. Red Right Hand a été utilisé à maintes reprises à la télévision ou au cinéma. Ce fut notamment le cas pour les trois premiers films de la franchise Scream. Ces dernières années, Red Right Hand est intimement associé à la série Peaky Blinders. Générique de la série, la chanson a été également reprise dans des versions assez particulières dans un certain nombre d'épisodes. Ce fut notamment le cas avec PG Harvey. La chanteuse britannique a connu une grande histoire d'amour avec Nick Cave et elle reste dans l'esprit collectif très liée à l'Australien, en grande partie grâce à la chanson Henry Lee, merveilleux duo de la fin des années 90 et qui figure sur l'album Murder Ballad de Nick Cave and the Bad Seeds. On écoute un extrait de la version de Red Right Hand proposée par PG Harvey, qui figure donc dans un épisode de la série Peaky Blinders, une ballade dans laquelle on retrouve bien évidemment toute la sensibilité de la chanteuse britannique qui reste encore très influencée par Nick Cave. Red Right Hand est devenue la chanson la plus emblématique de Nick Cave, étant jouée dans la plupart de ses concerts depuis 1984. Seul The Mercy Seat y est interprété plus souvent. Red Right Hand a connu de très nombreuses réinterprétations et le format de cette chronique ne nous permettant pas de les diffuser toutes, on vous invite à aller découvrir celles proposées par les Arky Monkeys, Iggy Pop et Jarvis Cocker ou encore Snoop Dogg. Pour terminer ce copier mais pas coller, On a choisi une version qui tranche avec le rythme original du morceau et son univers quelque peu angoissant. Il s'agit de la réinterprétation qu'on a fait et qu'on a proposé Frank Bennett, un chanteur et musicien australien de jazz. Son nom de scène est inspiré de Frank Sinatra et Tony Bennett. Il propose une version très lounge de Red Right Hand, copiée mais pas collée. C'est terminé pour aujourd'hui. Take a little walk to the edge of town. Go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts, then cracks. Where the secrets lie in border fires and the humming wires, you're never coming back. Past the square, past the bridge, the mills and the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms and tell you you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams it took a lifetime to destroy. He'll reach deep in the hole, heal your shrinking soul. Hey, bud, you're never coming back. He's a ghost, a god, a man. He's a guru. They're whispering his name across this disappearing land. And hidden in his coat is a red right. Get you some. Got no car, he'll get you one. You ain't got no self-respect. You feel like an insect. Well, don't worry, buddy, 'cause here he comes. Through the ghetto and the barrio, the Bowery and the slum, a shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. Your nightmares and in your dreams appears from nowhere but ain't what he seems. He's even in your head on a TV screen. Hey, bud, I'm warning you, turn it off, 'cause he's a ghost, he's a god, 'cause he's a man, he's a guru too, and you're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his